Toujours à l'occasion de la Journée du Soleil, les meetings, séminaires sur les exploits du président Kim Il-sung, expositions de livres et de photos, séances de lecture, conférences et colloques ont eu lieu au Mexique, en Angola et en Ouganda. Dans les salles de cérémonie se trouvaient les photos sur les nobles vies et exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un, les œuvres classiques des grands hommes coréens, ainsi que les livres et les photos montrant la réalité de la Corée de Sungun. Y ont participé les personnalités des organisations politiques et sociales et les habitants des pays hôtes. Lors des cérémonies, les orateurs ont indiqué que le président Kim Il-sung est le grand penseur et théoricien et l'homme politique sans pareil qui jouit de la vénération sans borne siècle après siècle, non seulement auprès des Coréens, mais aussi des peuples progressistes du monde.